Hello, hello, les amis. Veuillez attacher votre ceinture parce que ça va déconner. Wesh, il est où, mais où il est? Yeah.